Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 20 janvier 2023. Voici les grands titres de cette édition. Une prière interconfessionnelle de 3 jours a été organisée par le parti présidentiel en prélude au congrès du CNDD-FDD qui se tient ce samedi à Gitega. Notre correspondant à Gitega nous fait part de quelques interventions, à savoir celle du secrétaire général du parti CNDD-FDD ainsi que celle du président de la République, Gérard Niwigira, est en ligne. Et des câbles dénudés de la régie des eaux s'observent dans des trous situés dans différents quartiers de la zone Ngagara. Ceux qui exercent des activités près de ces câbles craignent le pire en cas de court-circuit. Alors que les communes d'Ogatara et Garamba en province Kayanza ont été le théâtre de fortes pluies et ont endommagé de vastes étendues de culture. Voilà pour le sommaire. Rebonjour. Le secrétaire général du parti CNDD-FDD, Révélien Ndikouriyo, dit qu'un bon dirigeant se préoccupe des problèmes de ses dirigés. Le président de la République, Evariste Ndayishimiye, invite quant à lui tous les dirigeants à adorer Dieu pour mieux servir la population. Ses propos ont été tenus ce jeudi à Gitega lors de l'ouverture d'une prière interconfessionnelle de 3 jours organisée par le parti présidentiel. En ligne de Gitega, Gérard Niwigira. Lors de l'ouverture de cette prière organisée par le parti présidentiel CNDD-FDD, Révérien Ndikouriyo, président de ce parti, a indiqué qu'un vrai dirigeant écoute les doléances et problèmes de ses dirigés. Pour lui, il faut qu'un dirigeant écoute les réclamations du peuple qui a placé confiance en lui. Il a expliqué cela en disant que les vrais dirigeants font tout pour faire avancer ceux qui ont mis confiance en eux au lieu de les diviser, les maltraiter et les écraser. Et au contraire, qu'ils font les respecter et écouter et accomplir leurs doléances. De son côté, le président de la République, son Excellence Evariste Ndayishimiye, a précisé que cette prière du parti au pouvoir est d'une importance capitale dans le but d'échanger sur comment diriger le pays dans le respect de la parole de Dieu. Pour lui, un dirigeant qui respecte les obligations de Dieu ne sera pas coupable de corruption et d'injustice, cela car pour lui, un dirigeant qui respecte les obligations de Dieu ne sera pas coupable de corruption et d'injustice, car le corrupteur ne connaît pas Dieu. Il termine en manifestant son appréciation positive liée à une massive participation de la population à cette séance de prière. Il est prévu que cette prière prenne fin ce samedi et le 22 janvier 2023, il y aura un congrès du parti présidentiel. Depuis Gitega, Jean Nguila pour Radio Isangani. Merci Gérard. Une augmentation de plus de 4 000 tonnes de la production de sucre pour la saison précédente. L'importation de ce produit sont quelques-unes des raisons qui expliquent la disponibilité de ces denrées sur le marché. Le directeur général de la SOSUMOA, Loïs Ndaïkengrouki, qui le dit, salue la vigilance des administratifs et des autres intervenants dans le circuit de commercialisation du sucre. On l'écoute. Ces derniers temps, il s'observait une insuffisance du sucre au niveau du pays, mais pour le moment, la situation est maîtrisée. Et vous-même, vous le constatez, le sucre est disponible partout dans le pays. Il n'y a pas vraiment de lamentation. Alors, je citerai 3 bonnes raisons qui ont fait à ce que le sucre soit disponible. La première raison est la plus meilleure, c'est que la production a augmenté. Et la production a augmenté, passant d'une production de 15 000 à peu près 800 tonnes l'année passée à 19 459 tonnes cette campagne. Donc on a eu une augmentation d'à peu près 4 000 tonnes de plus par rapport à la production de l'année passée. Donc vous comprenez que une augmentation de 4 000 tonnes, c'est très significatif. Et 4 000 tonnes, ça peut couvrir plus d'un mois. La deuxième bonne raison, c'est que En plus de la production au niveau local, nous avons procédé à l'importation du sucre pour effectivement combler le manque à gagner lié à la production, parce qu'on ne parvient pas à produire la quantité suffisante par rapport à la demande. Donc on procède à l'importation. Donc pour cette période, on a effectivement importé une quantité suffisante de sucre pour combler la production locale. La troisième bonne raison, c'est la synergie. La synergie entre les acteurs, notamment la SOSOMO et l'administration, ainsi que les forces de l'ordre, qui nous ont vraiment aidés de façon vraiment remarquable. Et je profite de cette occasion pour vraiment remercier vivement l'administration et les forces de l'ordre qui nous ont vraiment aidés. Et je les encourage à continuer dans ce sens, même pendant cette période d'intercampagne où on n'est pas en train de produire, pour que le produit reste toujours disponible jusqu'à la campagne prochaine de production du sucre. Le directeur général de la SOSUMO, la Société Sucrière du Mosso, Aloïse Ndaïkengrouki, dont les propos ont été recueillis par Moïse Misago. Parlons toujours production avec ces mesures prises par le gouverneur de la province de Kirundo, Albert Hatungimana, pour la préservation des récoltes. À côté de ces mesures, il y a l'arrêt de l'usure et ce sont des mesures qui ont satisfait beaucoup de personnes, surtout les acheteurs. Et ces derniers se plaignaient en effet que les prix étaient devenus très exorbitants en cette période de récolte, contrairement aux années antérieures. Malgré cela, les agriculteurs réclament toujours la liberté de commerce. Correspondance, Abraham Safari. Les mesures de préservation de récolte et le commerce clandestin prises par le gouverneur de Kirundo, Albert Hatungimana, ont satisfait la population de cette province, surtout les acheteurs. Ces mesures sont, entre autres, l'arrêt d'acheter et d'embarquer les récoltes dans des camions ou voitures, que ce soit pour les haricots, le riz et autres, sauf ceux ayant une permission spéciale. Ceux qui cherchent des grandes quantités, ils doivent montrer les bons de commande signés par les autorités provinciales de destination de ces produits. Même ceux qui exercent leurs fonctions ailleurs dans les autres provinces, mais qui ont des cultures à Kirundo, ils doivent nécessairement avoir la permission de faire sortir leurs récoltes. Pour ces mesures, s'ajoute celle de stopper les récoltes qui transitent par des chemins lacustres. Ici, on signale entre autres des gens qui partent de la commune Boussoni vers la commune de Giteragni, en province de Muyinga, en passant par le lac Ergueru. D'autres mesures prises sont celles de bannir les pratiques d'usure sur les récoltes. Celui qui donne ou qui reçoit de l'argent par cette pratique, tous seront punis conformément à la loi. La population de Kirundo fait savoir que la situation sur le marché s'aggrave de jour en jour, car, explique-t-elle, c'est la première fois qu'un kilogramme de haricots coûte plus de 2000 francs durant la période de récolte, alors qu'il coûtait entre 700 à 800 francs le kilo. De même que le riz, pendant cette période de récolte, un kilogramme coûtait entre 1800 à 2000 francs, mais actuellement il coûte 3800. Malgré cela, les agriculteurs signalent que ces mesures ne sont pas favorables pour eux. Ils demandent la liberté de commerce. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Merci Abraham Safari. Les éleveurs de Ngozi sont appelés à vendre du lait au point de collecte ou aux coopératives de collecte de lait, là où on fait le test de qualité avant la consommation, d'après le chargé de l'élevage Ngozi, qui indique que l'objectif principal étant la protection de la santé de la population. Certains éleveurs disent qu'ils préfèrent vendre au privé parce que leur lait n'est pas rejeté en cas de surproduction, comme le font quelquefois les centres de collecte ou en cas d'empêchement du véhicule qui achemine ses quantités laitières à Bujumbura. Ngozi, Apollinaire Muzagara. Lundi que Privabari Kujayo, chargé de l'élevage au bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage, un bon nombre d'éleveurs acheminent leur production laitière dans différents ménages d'Ngozi. Ce responsable parle de l'imprudence, car en cas de maladie qui attaque le cheptel bovin, comme la fièvre de la vallée du Rift et autres, la santé de la population consommatrice de lait pourrait être menacée. Il appelle à cet effet tous les éleveurs à vendre leur production au point de collecte ou coopérative de lait, doté du thermolactodensimètre mesurant la qualité organolactique en vue de préserver la santé humaine. C'est dans cette optique que trois nouveaux points de collecte ont été mis en place en ville d'Ngozi, l'un à l'endroit communément dit Kuiferemi, l'autre en bas du lycée Don Bosco et le dernier à l'endroit communément appelé chez Hambari. Certains éleveurs déplorent le fait que sur ces centres et coopératives, leurs productions ne sont pas deux fois accueillies arguant que l'offre dépasse des fois la demande ou si le véhicule de la société MDB qui achemine le lait vers Bujumbura est empêché, d'où la préférence des clients prive. La province Ngozi compte actuellement environ 58 000 vaches, dont 13 000 laitières, qui donnent environ 30 000 litres par jour. Donc Ngozi, Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire Muzagara. Et dans la province voisine de Kayanza, de fortes pluies mêlées de grêle et de vents violents se sont abattus sur certaines collines de la commune Garambo. C'était l'après-midi de mercredi et a endommagé des champs de culture s'étendant sur une superficie de plus de 150 hectares, selon Sylvestre Nzouinimana, administrateur communal. Celui-ci appelle les natifs et d'autres âmes charitables à voler au secours des victimes de ces pluies diluviennes. Le même jour, de fortes précipitations se sont également abattues sur différentes collines de la zone Mbirizi, en commune Gattara, endommageant ici des champs de culture s'étendant sur une superficie de plus de 300 hectares et trois constructions, dont deux églises et une maison d'habitation. Et ce tour de nos correspondants se poursuit. Les autorités administratives en commune Kayokwe de la province Mwaro saluent les actions des associations d'épargne de petits crédits sur les collines. C'est le cas du réseau des groupements des jeunes au chef-lieu de la province Mwaro. Deon Chimirimana, responsable de ce réseau, dit que ses membres participent au développement de la communauté. Laurent Dikouriou. Selon Deon Chimilimane, responsable du réseau des groupes cirques regroupant les jeunes au chef-lieu de la province Mwaro, ce réseau comprend 11 groupes avec 275 membres. Les membres de ce réseau, encadrés par l'association Wilaturaba, se rencontrent chaque semaine pour épargner et se donner de petits crédits. Il précise que dans un groupe, les membres cotisent une somme plus élevée. Ils cotisent chaque semaine entre 10 000 francs et 30 000 francs. Il ajoute qu'à la fin de l'année 2022, les membres de ce réseau se sont partagés une somme de plus de 300 20 millions. Il indique que les membres parviennent à s'autodévelopper et participent aussi aux travaux de développement. Le responsable de ce réseau demande à l'association Wilaturaba qui les encadre de les aider dans leur projet de créer une microfinance. Isaïe Ndeissaba, chef de zone Mwaro en commune Kayokwe de la province Mwaro, dit que l'administration salue les actions de ces associations. Il précise que les membres peuvent s'acheter de petits animaux domestiques et ainsi se développer. Il ajoute que de tels groupements favorisent la cohésion sociale. Il demande aux membres de ces groupements d'aider les indigents de la communauté dans l'achat du matériel scolaire. Ce jeudi, c'était une occasion de clôture et d'évaluation des activités de l'an 2022. De moi, Laurent Dikouriou, Radio Isanganiro. Merci Laurent. On termine ce tour de nos correspondants par le sud. C'est pour retrouver Jean-Pierre Misago à Rumonge. Il nous rapporte que certains dossiers des enseignants accusés de viol ont été superficiellement traités là-bas, décrédibilisant ici la justice avec comme conséquence une réanalyse du dossier, notamment dans l'enseignant désirant une réintégration après son acquittement par la justice de Rumonge. François Aviarimana, ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, l'a dit lors de sa récente descente à Rumonge. Pour lui, le ministère doit vérifier son dossier pour voir s'il n'y aurait pas eu corruption pour bénéficier de cette libération. Jean-Pierre Misago. Cet enseignant qui sollicite l'intervention du ministre de l'Éducation nationale afin qu'il soit réintégré dans l'enseignement vient de passer plus d'une année dans le chômage alors que la justice de Rumonge l'a acquitté. Il indique avoir même déposé au ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique des documents justificatifs, mais qu'aucune réponse favorable à sa demande jusqu'à présent. Professeur François Zalimana, ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, cet acquittement par la justice de Rumonge ne signifie pas automatiquement qu'aucune infraction ne pèse contre lui. Il indique que son dossier doit être réanalysé au niveau du ministère ayant l'éducation nationale dans ses attributions pour voir s'il n'y aurait pas corruption dans sa libération. Le ministre François Zalimana déclare détenir un exemple récent d'une libération à Rumonge même d'un enseignant accusé d'avoir violé son élève malgré l'existence de preuves irréfutables. Et cela doit changer dans l'optique d'améliorer la qualité de l'enseignement à Rumonge. Pour cet enseignant sollicitant l'intervention du ministre, Professeur Françoise Yalimana déclare que les services concernés vont se pencher sur le cas. Cet enseignant a été emprisonné près d'une année durant, accusé de participation dans des bandes armées, mais sera par après libéré après avoir constaté qu'on l'a arrêté à la place d'une autre personne, selon ses propos. Jean-Pierre Misago de Purumonge, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. 13h11 à Bujumbura et sur Isanganiro. Retour sur Bujumbura. Des câbles dénudés de la régie des eaux s'observent dans des trous situés dans différents quartiers de la zone Ngagara, notamment dans les quartiers 3 et 7. Et pour ceux qui exercent différentes activités tout près de ces câbles, ces derniers constituent une grande menace parce qu'à tout moment, un court-circuit pourrait provoquer un incendie. Ils demandent avec insistance à la régie des eaux de réparer ces câbles avant qu'il ne soit trop tard. Ornella Mouche. En zone Ngagara, sur la chaussée Monseigneur Bouchignori, à l'intérieur du quartier 3, des câbles de la régie des eaux se trouvant à l'air libre le long de la route s'observent près de clôtures, des parcelles ou à l'intérieur de parcelles. La situation est plus accentuée au quartier 7 de cette même zone, sous l'avenue Bugendana, tout près des immeubles de la Sokabu. Les câbles dénudés se retrouvent dans des trous et des sachets en plastique sont enroulés autour de ces câbles. Deux hommes qui exercent différentes activités non loin de cet endroit déplorent que de tels câbles inquiètent et craignent qu'à part la fumée qui sort souvent à chaque fois qu'il pleut, d'autres dégâts peuvent s'observer et surtout que les enfants y jouent sans se soucier. Ils déplorent qu'ils ont déjà soumis cette question à la régie des eaux, mais en vain. Ils demandent à la régie des eaux de réparer ces câbles comme ils étaient auparavant. Ces câbles dénudés ne sont pas seulement dans ces quartiers 3 et 7 de la zone Ngagara, mais aussi au quartier Mutanga Nord, c'est toujours en commune Nahangwa, plus précisément à l'avenue Nyabibuye. C'était un reportage d'Ornella Mucho. En actualité africaine en bref, une réunion de haut niveau sur la sécurité régionale au Sahel s'est tenue hier à Niamey sous l'égide de l'ancien président nigérien Muhammadu Issoufou. Des officiels de haut rang et des 16 patrons des services de renseignement généraux et de la sécurité extérieure du Sahel y ont pris part, de l'Algérie à la Guinée-Bissau, du Sénégal au Tchad. Les participants ont tenté d'évaluer une stratégie en matière de sécurité de la région pour mieux lutter contre le terrorisme, la redynamisation de la coopération régionale et la remobilisation des partenaires occidentaux sont attendus à la fin du panel. Il est 13h13 à Bujumbura et sur Isanganiro et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Innocent Kougimana pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco de Imana, passez un très bon après-midi.